Ok, c'est quoi? Aïe aïe aïe, mixtape, ça fait mal. C'est quoi toujours remarque, maintenant je me rattrape au rap. Du son qui te frappe, pour tout son DJ, personne peut me stopper. À fond dans la course, pour écouter mes sons, faudrait une bourre. Si quelqu'un peut m'arrêter, qu'il le fasse maintenant et pas après. Si tu veux me tester, t'as intérêt à m'attraper. Personne peut m'arrêter lorsque j'ai envie de rapper. Viens sur mon blog, écoute mes sons et lâche tes coms. Sur la mixtape qui tape un coup de baïonnette. Si tu pénètes dans mon sanctuaire, t'attends pas qu'on fasse des affaires. Un petit pas pour le bédo, un grand pas pour Silico. On vit des trucs de fou, alors fais pas le fou. Quand on fait le bordel, c'est un truc sur le Minitel. Tu croyais entendre Soprano ou Bravo? Y'a qui faisait si chaud, je parlais de leur son. Il leur fallait une climatisation, car faut y aller à fond. Si un jour je vous rattrape, demandez-moi pour faire un clash. Si j'ai du bon style, demandez-moi pour faire un freestyle. Du thermo ras du son au terre-terre, l'envahit la terre planétaire. C'est quoi bientôt dans les bacs, c'est quoi qui fera péter les baffes. J'ai dit une test, mais qui veut un test? Ils ont peur de la défaite, comme mon rap reflète. Mon programme c'est de me prendre 3 grammes, ils rêvent tous de me mettre en cage. Comble ta choix si tu vas à la chasse. Je vais leur faire montrer un CPD que j'ai pas peur des comptes, que j'ai pas eu de mal à les compter. Mais c'est honteux quand les gens disent du mal du 02. Bande de PD, viens pas tester ma bande. Je crie au CB même si tu comprends pas notre langue. J'ai trop de flow, tu peux pas tester car c'est les sons de Silco. Mon flow te fait mal, t'inquiète, je suis hal. Mon rap est trop facile comme si que mes rimes passaient à la file. La rue m'a appris que je devais rapper en deux spies. Mon rap trace à la vitesse de Superman. Mon son te fait mal, si t'es un chien va voir les tiens, fais pas ton galérien. Si tu quittes mon rage, je te filerai mon autographe. Pour certains la vie est belle, pour ceux qui se noient dans la bouteille. Les sons de Silco c'est ça, mon rap c'est comme la bombe Hiroshima. C'est la dernière pour la mixtape qui va taper un coup de baïonnette. Celle qui fera mal à la tête, si tu sors la tienne t'attends pas que je l'achète. Diwati de la co, Silco, Mr. G et Shax. Notre rap c'est la chasse, alors comble ta soif. L'année 2009 on fera tous la teuf. Tu feras tourner ta meuf, on réunit le bédo. On fera tous tourner le bédo, je me rattrape au rap. Je serai toujours au Mac. Bientôt le premier au rap, je suis un rappeur le plus grand de tous les amateurs. Je te ferai pas de flair mais je te ferai toi un killer. Et non un dealer, c'est pas un malheur si tu croises un tagger. Mais t'inquiète, c'est la rue qui part, y'a la merde partout, c'est normal. J'ai 17 ans, j'essaie d'être le plus grand. Mais dans le rage, je m'y mets à 100%. Alors si tu veux écouter mes sons, perds pas de temps. Prends mes sons pour un embarquement. J'ai du bon flow, c'est les sons de Silco. Viens pas de tes photos, Aurini Clobedo. Avec le poste de gros, c'est l'avenir gros. Les bras levés, plaqués contre le mien. Je sens que c'est la chemiture. Un peu niqué l'école, maintenant je ralentis sans l'alcool. Silco c'est mon bas, je perds pas de temps pour baiser les tasses. Mon rap c'est l'embarquement, je perds jamais de temps. Si tu rappes avec si peu, je peux pas te des yeux. Je te mettrai pas le pieu. Quand tu vois, j'ai pas de veine, quand ta mère je la caisse. Ton rage, je bouffe comme un cake. Prépare ma mixtape. C'est sans expression, t'entendras. Tous mes sons ils sont trop chauds car c'est les sons de Silco. Et ouais y'a trop de flow. En Aurini Clobedo, tous viennent de montrer la canette de trop. A 17 ans j'ai le rap dans le sang, j'ai les rimes au bout des doigts. Car le rap est ma foi, le temps passé depuis tout le monde a changé. Le rap c'est ma passion, j'ai caché la tête dans mon veston.